Jean-Paul Thibault est sociologue, il est chercheur au CNRS, au laboratoire AAU Cresson. Et Jean-Paul, parce que je sais un petit peu le sujet de son intervention, part d'un texte de Walter Benjamin, un texte assez connu, mais qui a donné lieu à beaucoup d'interprétations et encore des lectures contemporaines, qui est un texte qui n'a pas été traduit exactement avec le même titre en français, puisqu'on le trouve parfois, et ça fait partie même de l'enjeu de ce texte, parfois il s'appelle le raconteur, et parfois il s'appelle le conteur, et parfois il s'appelle le narrateur. Et donc voilà, ben merci Jean-Paul de ton intervention. Bien, merci beaucoup Nicolas, bonjour à toutes et tous. Je vais en fait tenter de vous raconter un conte. Donc j'ai donné les versions anglaises avec les très mauvaises traductions en anglais. So I'm sorry, I'm going to tell you a story, a tale. It will be in French. I gave you some English translation. I'm not sure it is a very good one, but at least you have something to read. Et en fait, ce conte-là, comme disait Nicolas, est une interprétation absolument libre du texte de Walter Benjamin sur le narrateur, le conteur, le raconteur, parfois même c'était traduit. Et ce que j'essaye de vous proposer là, ce sera assez court, c'est plutôt, et si Walter Benjamin revenait maintenant, au XXIe siècle. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait du texte du narrateur maintenant? So, a few words in English, just to tell you that this tale is a kind of very free version of a question. If we were asking ourselves of what Walter Benjamin would tell us now if he was coming back to us. Donc je commence ce récit, ce conte, qui s'appelle Benjamin et les récits de la terre. Il était une fois un petit garçon qui aimait raconter des histoires. Benjamin, c'était son nom, avait beaucoup voyagé et ne manquait jamais une occasion pour parler de ses aventures. Il avait passé toute son enfance à Berlin et avait séjourné à Moscou tout un hiver. Il avait aussi visité les beautés de Capri et de Naples et passé beaucoup de temps à succomber au charme de Paris. Il s'était plu à découvrir les merveilles de Marseille et l'atmosphère enchantée d'Ibiza. Il était même allé jusqu'au Danemark pour rendre visite à son ami Berthold. Benjamin n'avait de cesse d'explorer de nouvelles villes et de découvrir de nouveaux paysages en menant sa bibliothèque pour seul bagage. Benjamin n'arrêtait pas de lire et d'écrire. Pas un jour ne passait sans qu'il n'ouvre un livre ou prenne sa plume. Le langage était son domaine, son élément, lui qui aimait tant à mettre sur le papier ses flâneries urbaines et ses rencontres d'un jour. Il passait beaucoup de temps à la bibliothèque, à vagabonder au gré des textes et des auteurs. Tant il aimait les mots, il s'était essayé à la traduction et même à quelques récits de fiction. Le petit garçon témoignait d'une sensibilité hors du commun envers la littérature, et tout particulièrement l'univers des contes. Il aimait plus que tout se laisser enchanter par les mystères du monde paysan ou la vie fabuleuse des marins. Il prenait plaisir à s'asseoir avec ses amis et écouter en silence l'histoire fantastique rapportée par un ancien qui ne tarissait jamais de légendes surprenantes et de souvenirs étonnants. C'est aussi comme cela qu'il avait découvert de nouveaux univers, en se laissant bercer et emporter par la voix captivante des conteurs. Mais à force de lire et d'explorer le monde, Benjamin avait fini par remarquer qu'il y avait de moins en moins de véritables conteurs. Ils semblaient disparaître de plus en plus. Tout se passait comme si l'art de raconter des histoires était en train de s'évanouir. Il y avait bien toujours à lire des romans passionnants et des journaux de grande valeur, mais ce n'était pas pareil. Ces écrits semblaient bien pauvres en comparaison des histoires merveilleuses racontées de vive voix dans les contes. On ne parlait plus désormais que d'informations insipides et de rumeurs dépourvues de sagesse. Benjamin le regrettait vraiment et faisait tout pour tenter de sauver ses raconteurs d'histoires. Heureusement, il y avait ses amis, car Benjamin avait beaucoup d'amis de par le monde. Et eux aussi avaient remarqué cet étrange phénomène. Les conteurs disparaissaient aussi vite que les lucioles dans les forêts. S'il manquait de conteurs et de raconteurs, eh bien ce seraient eux qui inventeraient désormais de nouvelles histoires et colporteraient des aventures prodigieuses. C'est ainsi qu'ils se mirent en quête d'expériences à partager avec les habitants du monde. Il faut dire que celui-ci avait bien changé ces derniers temps. Il y a bien longtemps déjà, les soldats de la Grande Guerre étaient revenus sans voix, impuissants qu'ils étaient à partager leur triste traumatisme. Et c'était maintenant l'état de la planète tout entière qui rendait muet et nourrissait l'inquiétude. Alors, ils sortirent de chez eux et se laissèrent apprivoiser par les êtres de toutes sortes qu'ils rencontrèrent. Un matin, la petite Vinciane fut subjuguée par un merle chanteur venu se percher sur la fenêtre de sa chambre. Elle se prit d'affection pour les oiseaux et partit à la découverte de leurs territoires enchantés. Baptiste, de son côté, décida de se rendre en montagne sur les traces des loups. Bien des péripéties l'attendaient dans cette quête qui l'emmena au cœur du monde sauvage. Et leur bonne copine Donna redoubla d'attention envers sa très chère compagne Cayenne, avec qui elle partageait sa vie de chienne. D'autres se laissèrent émerveiller par les mystères de la forêt ou tombèrent d'admiration devant un petit champignon. Tout était matière à dictons et fiction. Il n'était plus seulement question de raconter des aventures humaines, mais également celles des arbres et des abeilles, des fleurs et des insectes, des microbes et des radicelles. C'est ainsi qu'ils se mirent à l'écoute des vivants et commencèrent à entendre ce que la terre avait à murmurer. Tous, toutes, se prirent de passion pour relater leurs rencontres plus extraordinaires les unes que les autres. Benjamin appela ce groupe d'amis le groupe des bons vivants. Non pas tant parce qu'ils aimaient bien manger, même si c'était sans doute le cas, mais parce qu'ils chérissaient la vie, parce qu'ils témoignaient d'une profonde affection à l'égard des êtres vivants de toutes sortes. Les récits fabuleux qu'ils se mirent à raconter tissaient des fils invisibles entre les mille et une choses qui peuplent la terre. D'autres amis de Benjamin estimaient qu'il n'était pas si facile que ça de trouver les mots pour raconter de bonnes histoires. Eux aussi étaient sensibles aux choses de la terre, tout particulièrement aux paysages et aux atmosphères, mais il ne suffisait pas de prêter attention à la diversité inépuisable des contrées terrestres. Encore fallait-il trouver la bonne tonalité et le bon phrasé pour laisser parler le chant du monde. Une fois, le petit Johan était resté bouche bée devant la vision grandiose du Saint-Gothard, un massif situé dans les Alpes suisses. Il n'avait réussi à en parler qu'au prix d'une poésie bien élémentaire. Neige, rochers nus, et mousse, et vent de tempête, et nuages, le bruit de la chute d'eau, le tintement du mulet, avait-il tenté de dire, alors bien hésitant. Les mots semblaient atteindre leurs limites, et la syntaxe faisait défaut. Il fallait apprendre de nouvelles langues, de nouvelles manières de parler. Johan était à court d'idées. Alors son copain Roland était parti très loin, à l'autre bout du monde. Il était allé jusqu'au Japon pour chercher ces petits fragments de texte qui font sentir si bien les saisons et le temps qu'il fait. On appelle ça des haïkus. En voici deux. Pas d'autre bruit que l'averse d'été dans le soir. Ou bien encore, lune éblouissante pour reposer l'œil, deux ou trois nuages de temps en temps. Raconter le monde pouvait donc bel et bien se faire avec très peu de mots, mais il fallait alors trouver le bon tempo, la bonne allure, la bonne respiration, ajuster les mots au plus près des sonorités et des sensations. Benjamin s'entendait vraiment très bien avec ses amis les goûteurs de mots, c'est ainsi qu'il les appelait, lui qui accordait tellement d'importance aux gestes et à la voix dans l'art de compter. C'est qu'il ne fallait pas seulement trouver les mots justes, mais les faire aussi sonner, vibrer, résonner, les porter par la voix et les gesticuler avec tout son corps. Le petit Valère l'avait bien compris. Dès son enfance, il n'avait cessé de jouer avec eux, d'en inventer de nouveaux en apprenant à les souffler, parfois tout doucement, très légèrement, parfois avec force et vigueur, en les déclamant, en s'époumonant. Il n'avait pas son pareil pour les goûter, en les mâchant, en les faisant tourner dans sa bouche. Au cours du temps, il avait appris à les respirer. Il s'était amusé à les délanguer, comme il disait lui-même, en inventant un monde de souffaisons et de matières nelles, d'époussouflaires, d'effrayances et de janures. Il importait plus que tout d'ouvrir la langue à ses possibles. Les fictions finissaient parfois en pièces de théâtre, et les récits étaient tout entiers portés par des corps soufflés et des gestes respirés. L'ami Bruno l'avait bien compris, qu'il fallait aussi en passer par le théâtre et la mise en scène, si l'on voulait partager de nouveaux récits. Inventer de nouvelles formes, bien sûr, pour raconter des histoires inédites et donner à sentir les atmosphères terrestres. Benjamin se dit que le cinéma avait sans doute des choses à nous apprendre. Alors il contacta ses amis cinéphiles de tous les pays. Le petit Andrei, toujours attentif aux signes du ciel, le copain Théo, la tête souvent dans les nuages, le camarade Nuri, soucieux des climats et des saisons, et le fidèle compagnon Bella, sensible aux traces du vent et de la pluie. Ce groupe d'amis de Benjamin faisait partie du cercle informel des têtes en l'air. Chacun d'eux filmait à leur manière les atmosphères d'un jour et les météores de passage. Bella avait l'habitude de regarder par la fenêtre des heures sans bouger, en silence, ou bien alors d'accompagner de dos la longue marche d'une personne ballottée par les déluges et les averses. Tout en lenteur et en délicatesse, sa caméra déroulait la grise campagne soumise au grand souffle du vent, imbibé de la pluie qui n'en finissait pas de tomber. Le temps s'étirait. Le vent sifflait. Les bourrasques transportaient la poussière qui saturait l'air. Les gestes se faisaient de plus en plus pesants. La pluie insistait au point d'imprégner les habitants qui ne pouvaient que se fondre et se confondre autant qu'il faisait. Avec Bella, l'étoffe sensible du monde de demain était en quelque sorte le personnage principal du récit, avec ses airs saturés et ses corps fatigués, ses campagnes trempées et ses visages accablés. Les atmosphères imprégnaient tout autant les âmes que les matières, les éléments du ciel que les damnés de la terre, affectait aussi bien les vaincus de l'histoire et les désastres du climat. Benjamin vit alors passer un ange. Il restait émerveillé par tous ses amis de la vie, des mots et de l'air. Ses chers camarades n'en finissaient pas d'ouvrir de nouveaux mondes, d'inventer de nouvelles fictions, de cultiver de nouvelles attentions. Avec eux, le monde semblait bien plus vaste et varié qu'il ne semblait à l'origine. Le temps creusait une brèche dans l'univers des possibles. Il se dit finalement que l'art du conteur n'avait pas complètement disparu et que la catastrophe annoncée n'était pas tout à fait arrivée. Les choses ne continuaient pas exactement comme avant. Peut-être étions-nous en train d'apprendre à parler le langage de la terre, d'écouter son murmure à voix basse, à demi-mot, doucement, tout doucement. Voici notre premier conte radiophonique de la journée. Et à notre tour, j'imagine maintenant de poursuivre et de le re-raconter, puisque c'est l'envie et le désir de tout conte de se perpétuer par le récit des uns et des autres. Mais on peut peut-être tout de suite en profiter pour dialoguer avec Jean-Paul autour de cette proposition. Je peux commencer ? Bien sûr. Jean-Paul, tu n'as pas cité Claude ? Je n'ai pas. Cité Claude dans Les Amis de Benjamin, où je ne l'ai pas entendu passer. Claude. Ça m'a fait penser à ta manière de raconter, d'écrire, m'a fait penser à Claude Ponty. Mais il y a beaucoup d'amis que je n'ai pas cités, hein, c'est sûr. Je voudrais te féliciter tout simplement pour ce merveilleux conte, voilà, que j'ai tant apprécié, tant ressenti. Un grand merci à toi. Où est le narrateur ? Où est le narrateur ? C'est toi ? Non, mais je ne sais pas comment poser la question, mais il y a une discussion compliquée à avoir sur la traduction du Erzähler allemand. Et sur le rapport entre le conteur, le raconteur et le narrateur. Quoi. Et on sait bien que le narrateur, pour nous, est fortement marqué par la voix narrative et la voix au cinéma, etc. Et voilà, comment est-ce qu'à partir de ce conte qu'on doit assimilé, où on reconnaît les gens les uns après les autres, mais on n'a pas le temps de faire le récit du récit. Pour toi qui l'as construit, où est-ce que tu en es par rapport à cette réflexion-là, à ces questions-là, quoi. Si je devais répondre à où est le narrateur ou qui est le narrateur, moi je dirais que c'est la Terre. Et que ce conte essayait de dire que c'était la Terre. Et qu'elle nous raconte des histoires qu'il faut qu'on écoute, quoi. On apprenne à écouter. Comme Roland et comme je crois beaucoup d'autres, j'ai été sensible à la beauté du texte de fiction personnelle que tu viens de nous présenter. Mais ma question, ce n'est pas vraiment une question, c'est un ressenti un peu étrange qui est lié à la question que posait Jules à l'instant quand Jules a dit « Mais oui, Claude ». Et moi, j'ai eu le sentiment en t'écoutant d'écouter un roman à clé. Il y avait des prénoms qui, pour moi, ne correspondaient à rien. Alors, si je les prenais dans la fiction, ce n'était pas gênant. Si c'était un roman à clé, je me sentais exclue. Et ça m'a gênée parce qu'il me semble que, dans le texte de Benjamin, il pose un certain nombre de regrets par rapport à une fiction qui n'a plus lieu. Mais, d'une certaine façon, c'est impersonnel. Et je crois que chez Benjamin, il y a très profondément le désir de parvenir à une énonciation impersonnelle, hein, le refus du mot « je », etc. Et c'est ça qui m'a... Enfin, le mot « gêné » est peut-être trop fort, mais ce qui m'a empêché de... J'ai ressenti encore une fois la beauté de ton texte, mais ce qui m'a empêché d'y adhérer complètement, c'est ce sentiment que tu racontais une histoire, tu ne me la racontais pas à moi. Tu parlais à des amis qui étaient ici ou ailleurs, mais ça m'échappait. Et quand on raconte quelque chose qui est un roman à clé, on ne peut pas s'empêcher de dire « il me manque quelque chose ». Je comprends bien, mais pour moi, j'espère, mais peut-être que des enfants pourraient dire comment est-ce qu'ils l'ont entendu, qu'on peut apprécier ce texte sans forcément se dire ou reconnaître la personne, les noms qui sont cités. Évidemment, en fait, ce texte s'est construit aussi parce que j'avais en tête certains auteurs, certaines personnes, etc. Mais justement, j'ai choisi de ne pas donner leur nom parce que il me semble que ce n'est pas ça l'intérêt du conte. L'intérêt, c'est plutôt de se dire on a affaire à un ensemble d'amis de toutes sortes qui existent bel et bien, ils ont un prénom, et que ces amis-là, ils essayent de dire quelque chose de leur expérience du monde actuel. Donc, il me semble que simplement, il ne s'agit pas de... Enfin, voilà, le conte n'essaye pas d'en dire plus que ça, de se dire, allez lire machin ou truc, etc. Bon, je comprends qu'on puisse être gêné, bien sûr, mais je fais le pari que... On reconnaît ou on ne reconnaît pas, mais je ne suis pas sûr que si on ne reconnaît pas certaines personnes ou certains auteurs, on passe à côté de quelque chose, parce que c'est un pari que je fais, quoi. Je fais le pari que le conte en dit suffisamment pour comprendre la présence de tel ou tel personnage, sans qu'on ait forcément en tête... Je crois que je me suis mal exprimée. Oui. Ça m'est égal de savoir de qui il est question. Oui. Je ne cherche pas à identifier tel ou tel. Je dis simplement que pour moi, cet effet roman à clé, pour moi, a quelque chose d'excluant ou d'exclusif. Voilà, c'est tout, mais je ne l'ai peut-être pas très bien dit. Voilà. Oui, en fait, si on inversait en disant « c'est la terre qui parle », non ? Oui. Qui parle à ces personnages. Absolument. Oui, oui, à ce moment-là, ça devient plus impersonnel. Oui, oui. Hein, puisque la Terre, c'est, ouais. C'est le lieu où tous nous habitons. Hein. Tous ces personnages dont tu parles. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un conte à la troisième personne. C'est-à-dire que les personnages ne parlent pas, le narrateur ne parle pas à la première personne. C'est effectivement garder cette impersonnalité, je pense. Alors j'en profite. Ces dernières années, on voit beaucoup ressortir des travaux sur la nécessité de reconduire une description du monde. C'est-à-dire, en fait, d'écrire le monde, en fait. Hein, et dans le texte que tu proposes, ou dans le conte que tu proposes, il s'agit plutôt d'écoute que de description. Évidemment, l'écoute nous ramène à l'idée de la radio, à l'idée que par le sonore ou par l'écoute, il peut aussi y avoir des choses qui ne sont pas narratives au sens de la description textuelle. Et donc, il me semble qu'entre cette nécessité de description, qui n'est jamais finie, hein, c'est un art, ce vieux truc, les pommes aussi ont changé, donc même si elles ont été déjà décrites, aujourd'hui elles ne ressemblent, c'est pas exactement les mêmes que celles d'hier, mon pinceau n'est pas le même, etc. etc. Mais non, là c'est d'autre chose qu'il s'agit, plutôt de la question de l'écoute, en fait, qui n'est pas assimilable à la question de la description, il me semble. Oui, je suis tout à fait d'accord, je pense que c'est une proposition qui essaie de se dire que il faut arriver à inventer d'autres formes narrative que celle qui pourrait relever de la description, c'est-à-dire que une des propositions qui sont pas complètement nouvelles, mais c'est quand même de se dire jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans le langage verbal, jusqu'où est-ce que le langage peut être porté par de la voix et par du sonore, et jusqu'où est-ce que la dimension sémantique s'arrête pour aller ailleurs. Et en particulier dans du sentir et du pathique. Et donc, d'où la référence à certains poètes, à certains... Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il y a peut-être les limites de la description. Et Benjamin, quand il parle du conteur, du narrateur, il ne parle pas de la description, en fait. Hein, il parle bien de conte, de la fiction, enfin, il me semble. Et donc, cette fiction, jusqu'où est-ce qu'on peut la pousser par du langage articulé, mais qui ne se limite plus à une dimension de contenu ou sémantique, mais qui, en fait, exploite au maximum, et là, on revient à la discussion de tout à l'heure, sur la dimension acoustique, sur celle du médium lui-même, c'est-à-dire comment est-ce que la voix peut porter quelque chose dans sa sonorité, dans ses tonalités, dans sa rythmique, dans ses articulations, etc., de l'expérience qu'on a du monde. Et donc, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ta remarque. Je pense qu'effectivement, c'est comment proposer des alternatives possibles à des descriptions. En tout cas, ce n'est pas la seule forme possible. Enfin, ouais. Très bien. Ben, écoutez, on est parfaitement calé, parce que maintenant, nous pouvons nous offrir 20 minutes de pause. Donc, pour reprendre dans 20 minutes par une dernière intervention qui sera en anglais, Et avant d'aller faire une marche sonore, la marche, on vous la présentera un petit peu après, elle dure une demi-heure. Voilà, donc on fait une pause et on se retrouve dans 20 minutes. À tout de suite. Merci Jean-Paul.